Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission, cette fois en direct. Voilà, on suit toujours notre petit rythme d'émissions en différé, d'émissions en direct toutes les 3 semaines à peu près. Émissions en direct qui sont agrémentées de temps un peu spécifiques, hein, qu'on a baptisé des focus, qui sont dispensés par l'ami Thibaut qui nous a rejoint il y a un an maintenant. Un peu plus d'un an même, un an et quelques semaines. Donc voilà, on reprend petit à petit notre rythme habituel, parce que c'est vrai qu'on s'était offert 2 séances en live en attaquant l'émission un peu plus tôt, avec le plus ou moins retour du Flicky Mix. C'est vrai qu'on est un petit peu retourné de notre côté sur le 21-23 historique. Enfin bref, beaucoup de blabla, place à la musique maintenant pour entamer cette nouvelle émission. On va attaquer avec la première doublette, la seule nouveauté dans l'émission d'aujourd'hui, Blood Red Throne. Bien sûr, le groupe de death qui nous vient de Norvège. C'est vrai que Norvège rime souvent avec black metal, mais Blood Red Throne s'est fait une place de choix sur la scène extrême norvégienne. Le combo est signé chez Nuclear Blast. Imperial Congregation, c'est le nom de leur nouvel effort studio, ça va être le 10 ou 11e d'ailleurs. Blood Red Throne, j'ai toujours eu un petit peu de mal, parce que j'ai toujours trouvé qu'ils avaient vraiment du mal à s'imposer réellement. Ça reste un groupe de seconde, voire troisième zone en termes de death metal, à mon goût, bien évidemment. Là pour le coup ils oscillent entre une espèce de death old school et à moitié moderne, sans vraiment basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a de très très bonnes choses, hein, dans Blood Red Throne, mais c'est pareil, c'est toujours à la frontière entre le death traditionnel et le brutal death. Donc voilà, on sait jamais trop sur quel pied danser avec les Norvégiens. Le groupe est cependant actif depuis 1989, hein, donc ils ont plus grand chose à prouver à la scène extrême internationale. Et puis dans la foulée, Magodeos, les Espagnols qui nous sortent leur nouvel effort studio Bandera Negra. Magodeos, un album de plus en pilotage automatique. On en ressort quelques bons titres cependant, tel que le titre de l'album. Du coup, la doublette d'ouverture de ce soir, c'est une doublette de titres d'album, Blood Red Throne Imperial Congregation de l'album du même nom, Magodeos Bandera Negra de l'album du même nom. Et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, esta noche los vampiros somos dueños de tu sangre, de tu alma, escóndete. Esta noche el puerto será un cementerio. Somos hijos de la noche y del dolor. Vengarán tantos años perdidos. Robarán todo aliento vital. Volverán de la muerte y del frío, pues soy lo perdido. Vienen a buscar. Rugen las velas y el viento. Et la doublette suivante avec Pestilential Shadows et Full of Hell, vous l'aurez compris, une doublette ultra violente. Pestilential Shadows, tout d'abord du black metal qui nous vient d'Australie. La formation a vu le jour au tout début des années 2000, c'est déjà leur sixième effort studio, sobrement intitulé Revenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Pestilential Shadow? Et ben, l'album est déjà disponible. Et dans la foulée, on va s'écouter une doublette de Full of Hell, ce groupe de Power Violence Grindcore qui nous vient des États-Unis. Full of Hell, c'est leur cinquième effort studio, Gardens of Burning Apparition. Full of Hell, l'album est déjà dispo chez Relapse Records. Pestilential Shadows, Hunter and Reaper, Full of Hell, Eroding Shell, enchaîné à Hearth Bells Ringing. C'est parti. We'll be right back. 21h27 tapante à la pendule de Radio Béton. En soi, en termes d'horaire, ça veut strictement rien dire. C'est juste qu'on est content qu'il soit 21h27. Et bah, ma foi, c'est l'heure absolument parfaite pour entamer le premier focus de l'émission de ce soir. Salut Thibaut. Salut et bonsoir à toutes et à tous. Et je crois qu'on t'entend en plus très très correctement. Et ben, parfait. C'est parfait. Bon, pour ce soir, là déjà, on va ralentir un petit peu le tempo. Parce que là, ça fait un petit peu de violence gratuite comme ça. De deux morceaux d'affilée. On part du côté de la Finlande pour aller voir l'excellent groupe de Funeral Doom, Skepticism, qui sortent là leur 6e album. Un groupe formé en 91 qui fête ses 30 ans cette année avec un line-up ultra solide parce qu'ils ont changé qu'un membre en 93 et pas eu de mouvement dans le line-up depuis. Donc 27 ans de stabilité et ce changement il aura eu lieu même avant le premier album. Donc autant dire que c'était en plus une personne qui a été assez anecdotique dans la composition du groupe. Ouais, comme tu dis, hein, 6 albums, presque 30 ans de carrière avec les mêmes 4 Zikos. C'est assez notable bah, pour le noter. Ouais, tout à fait. Et puis bah, surtout un groupe qui posera les bases du Funeral Doom, en tout cas de ce qu'on en entend aujourd'hui. Avec notamment d'autres groupes comme Funeral ou Evoken qui construiront un petit peu le mouvement au début des années 90 tous ensemble. Donc Finlande pour moi c'est vraiment la terre du Funeral Doom. Tous les groupes que j'adore dans le style, ils viennent de là-bas. Je vais citer deux noms, Colosseum et Tyranny, qui sont deux groupes incroyables qui nous viennent de Finlande. On a aussi une scène assez solide du côté du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc là, j'essaye de brosser le portrait parce que le Funeral Doom, c'est pas forcément un style qui est très connu au sein de la scène métal et pas toujours très représenté. Voilà. Donc, en même temps, c'est chiant. Donc, Ouais, voilà. Bon, là, c'est un style qui a ses particularités, on veut dire. Pour moi, Skepticism, c'est avant tout une aventure en 2017 au Hellfest, sous, comme je l'avais rapidement abordé il y a 3 semaines, sous une canicule abominable, accompagnée d'une migraine. Ça a été une expérience éprouvante de les voir en live, et j'espère pouvoir les revoir prochainement dans des meilleures conditions. Bah, c'est vrai que moi, une des rares expériences live que j'ai eu avec du Funeral, c'était Syrah. Je sais plus à quelle occasion. Et Evoken qu'on a vu le dimanche midi en ouverture dernier Netherlands en 2019. Et c'était assez impressionnant en termes d'expérience visuelle et sonore. Donc après c'est une scène avec laquelle je suis très très très peu documenté. Donc voilà, c'était très intéressant d'avoir un focus sur le thème. Ouais, voilà, moi c'est une scène, sans être un fin connaisseur de la scène, c'est un truc qui me parle, c'est un style qui me plaît beaucoup. Donc voilà, 6e album, donc je disais pour Skepticism, un album qui s'appelle Compagnon et qui est signé chez Svart Records. Il fait suite à Ordeal. Alors pour moi c'est ce qui est leur plus mauvais album parce que bah, voilà, il est pas sans sas. Après il est pas mauvais en soi, mais il s'écoute sans plus quoi. Mais voilà, Skepticism c'est que des pépites en dehors de ça. C'est beaucoup de bases qui sont posées au fur et à mesure et qui évoluent énormément au fil des albums, en rajoutant notamment beaucoup de claviers et un aspect très orchestré dans ce qu'ils proposent. Et je dois avouer avoir un peu de mal à choisir entre leur album de 2008, Alloy, et ce nouvel album que je trouve vraiment incroyable. Et bah d'ailleurs, on va s'écouter tout de suite un extrait de ce nouvel album, et puis on reviendra à peu près un peu plus en détail sur ce nouvel effort studio de Skepticism. Je rappelle donc que c'est le 6e Elfort Studio, et le nom de cet album... Compagnon. C'est super friendly ça. T'as vu. We'll be right back. Allez, on garde le sourire, on va pas se pendre tout de suite. On attaque la deuxième partie du premier focus de ce soir qui concerne les Finlandais de Skepticisme. Ouais, voilà, bah, un morceau qui est... Bah, je l'ai choisi celui-là parce que je trouve qu'il est... c'est la conclusion de l'album, c'est le dernier morceau. Et je trouve que pendant tout le morceau, en fait, c'est un espèce de résumé condensé de ce qu'on trouve dans la globalité de l'album. C'est-à-dire toute cette montée en puissance qu'il y a au fur et à mesure pour finir sur des orchestrations et puis cette chute à la fin... Tout en lourdeur. Ouais, voilà. Donc le morceau, il s'appelle The Swan and the Raven. Et ouais, enfin, il est juste incroyable, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. Globalement, pour moi, l'album, il est encore plus déchirant et plombant que ce qu'ils ont pu faire précédemment. Ça, comme je disais, ça traîne et ça entraîne en même temps. C'est très lancinant. Ouais, voilà. C'est un truc qui te... Et voilà, les riffs de guitare font beaucoup dans la composition, et surtout ce clavier, quoi. Je trouve que le clavier, il apporte énormément de choses et beaucoup de profondeur dans leurs morceaux. Alors j'étais prêt à tailler un short ras des pâquerettes à l'artwork de cet album, que je ne comprends absolument pas, jusqu'à ce que mes yeux se portent sur les fentes. En fait, c'est quatre bouleaux, donc l'arbre. Et en fait, jusqu'à ce que je vois que les fentes, en fait, c'est des bouches d'orgue. Ouais, ouais, voilà. Elle est sympa. Après, je me suis pas arrêté dessus parce que je l'ai pas trouvée transcendante, mais elle est assez belle. Disons que même. Le budget, il est pas parti dans la pochette, quoi. Non, clairement. Voilà, bah, toujours aussi, bah, voilà, les orchestrations qui font quelque chose de grandiose et de dramatique. C'est assez difficile d'expliquer le ressenti que tu peux avoir en écoutant ça, faut vraiment le vivre. C'est une expérience que je trouve hyper personnelle, en fait, mais globalement dans le Funeral Doom, en très fait. Introspectif comme dans le DSBM. Ouais, voilà, mais vraiment c'est quelque chose que tu dois vivre viscéralement, et moi personnellement je m'y retrouve dans une espèce de position à mi-chemin entre le deuil et un espèce d'apaisement en même temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, et Skepticisme font partie des maîtres du genre, quoi. Clairement, c'est un album à écouter posé dans ton lit et à la recherche de cette espèce de demi-sommeil pour plonger dedans, quoi, vraiment. Alors, posé dans son lit ou devant une scène avec Jean-Michel Mongolien et son chapeau à LED en train de lancer la chenille à côté, hein, après bien chacun. Sûr. Bref, tout ça pour dire 6 minutes, près de 50 minutes, 6 morceaux. Ouais. Voilà le costard qu'on a offert à Skepticisme et ce nouvel effort studio intitulé Companion, on rappelle, déjà dispo depuis fin septembre chez Zwart Records. Merci, on passe à la suite, doublette suivante, avec Lunar Spells, une formation qui nous vient de Grèce. On est sur du Rao Black, ultra Rao tout simplement, hein, dans la plus pure tradition du style. Where Silence Whispers, c'est le nom de ce nouvel effort studio sorti sur le très très bon label Northern Silence Production. Et dans la foulée, nous avons Duel, groupe ricain qui nous vient du Texas. On est sur du psyché doom, un peu desert rock. C'est le quatrième album studio Incarné Persona. Ce nouvel effort de Duel est déjà dispo en autoprod. Obscured Rain, le titre de Lunar Spell. Duel, on s'écoutera le titre Bite Black. C'est parti. We'll be right back. On continue à dérouler tranquillou l'émission, doublette suivante, Infiltrated Mankind, on est sur du Brutal Death, qui nous vient de Russie, premier effort studio Inside the Appelike. Infiltrated Mankind, c'est bête et méchant, et c'est très très bien fait, une super production, Ungodly Rins, voilà, un très très bon label à suivre. Et dans la foulée, Paradox, Heresy and of a Legend, Paradox, vieux groupe de... power, trash, un peu spidouille, forcément, ça trash, et surtout, ça nous vient d'Allemagne, donc voilà, du heavy toton, un peu trash, un peu power, vieille formation, du coup, qui date du milieu des années 80, ils sortent un album qui fait écho directement au second album, qui était sorti en 90, qui s'appelait sobrement Heresy, ça fait méchamment le job, paradoxe, hein, malgré les années qui ont passé, AFM Records, c'est l'écurie qui nous sort ça, Worldwide Decide, le titre de Infiltrated Mankind, Paradox avec le morceau Burying a Treasure. C'est parti.